Ils sont de la politique, du monde des affaires, des finances, de la culture, du sport. Ils ont marqué leur domaine. Leurs témoignages nous intéressent. Comment se sont-ils faits? Comment sont-ils arrivés là? Découvrez leur fascinant parcours sur Top Congo FM. Chaque semaine, plongez au cœur des moments clés qui ont fasciné leur destin et qui peuvent nous inspirer. Parcours tous les vendredis à 14h15 et 20h15, en rediffusion le dimanche à 14h. Parcours, votre nouvelle émission présentée par Thierry Kambundi et Eric Lukoki. Elle a inspiré et servi de modèle à de très nombreuses jeunes filles par la maîtrise de son art dans la présentation du journal télévisé à la télévision nationale, par son charisme, sa beauté, la maîtrise des sujets qu'elle abordait et l'assurance qu'elle dégageait en plateau dans sa célèbre émission « 200 de cloche ». Elle, c'est Chantal Kanimbo Manyonga. Après 25 ans de télévision, elle est depuis 11 ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais qui est-elle réellement et quels sont les moments forts de sa carrière et par où elle est passée pour en arriver là? Votre magazine Parcours vous fait découvrir aujourd'hui une femme d'exception qui a tant fait rêver. Voilà donc Bandeko Balandi, le coin à Ebisibino, Tozo Yamba, icône, y a domaine Nabiso, Oyo Mingi Baebi, Mingi Bamonaye, Mingi Basepela Naye, Mingi Basinspira Naye, surtout pour Nabiso Bas jeune, tellement elle a inspiré des générations, a incité des jeunes filles à faire ce métier, et nous sommes très très heureux de la recevoir aujourd'hui. Dans Parcours. Madame Chantal Kanimbo Manyonga, bonjour. Bonjour. Nous allons vous découvrir aujourd'hui sous d'autres facettes et on espère à travers votre parcours et toutes les anecdotes que nous allons consommer aujourd'hui, sans modération, nous saurons par où vous êtes passé pour en arriver là. Maman Chantal Kanimbo Azali, nani, qui êtes-vous? Abotama wapi, peakola wapi, nani bota nengeni. Dans Lingala français. Lingala français, soyez à l'aise. Na mbotama na Lumbashi. Na koma na Kinshasa na zaina un bébé na maboko ya maman. Oh. Parce que ba parents na ngai bakimaka Lumbashi, on a aussi réfugié à parce que papa azalaka lumumbiste. Et donc zaina période de trouble après indépendance, avec la sécession katangaise, ndingeye a salaka lumumbiste, monaka qu'il vaut mieux alongwa katanga ayakufanda awa po nakokima ndingeye ba approchaka e na ba bachumbiste tout ça aboyaka chumbiste batamois chumbé oui aboyaka donc voilà ba yaka awa votre père évacué ka bango na na ONU ba yaka a na avion à ONU et donc voilà donc ma colline na Kinshasa azaki déjà papa na azaki politicien Oui, disons Kazalaki, tant que voilà, je crois que tout le monde était un peu politicien, tous ceux qui étaient plus ou moins considérés comme évolués, comme des intellectuels, et qui se battaient pour l'indépendance du pays, et donc il y a Aponaka, qui militait dans la partie à Lumumba. Tu croyais pas comment on est Kanimbo, Émile. Émile Kanimbo. Émile Kanimbo. D'accord. Donc, Azara déjà m'a parti à Lumumba. Oui. Donc, dans le contexte, mon boulot, Anna, vous avez dû venir vous réfugier ici, à Bokimi, Lubumbashi. Voilà. Alors, vous arrivez dans bébé et vous évoluez au Colina Kinshasa. Na Colina Kinshasa, na sali maternelle, na Fatima. Et puis. Au Colina commune, Nini. Tant au Komagi, vous avez dit la commune, Nini. Tant au coma, d'après ce que maman me raconte, hein, parce que papa il est mort un peu, j'étais encore très gamine, dans la commune il y a Kasavu. Kasavu, ok. Voilà. Dans la commune il y a Kasavu, bah, comment ça, il y a baza na camarade na bango baza bato à Congo central baza ko sala kuna et donc ba ça qui camarade donc ba décider ko ya ah to koma kuna et pas camarade n'est déplacé au fandaka avant que ba s'organiser ba ko ba so nda kuna bango d'accord na kasa buka ko vandika na kasa oui mais oyebi ko te kasa buka parce que après to longa kuna qui est au fond de place Moussous. Ah. Na Kinshasa. Na Kinshasa. Place beaucoup dans la commune. Il y a commune à Kinshasa. Et puis après, Tokendaka Limete. Limete. Donc Kasavubu, à votre arrivée, vous étiez bébé. Puis commune à Kinshasa. Puis commune à Limete. À Limete n'est pas la place au Koli. Oui, jusqu'à 11 ans. 11 ans. Voilà, les mettez quand c'est mûr, quel quartier. Tant papa pour fille, côté, il y a Fikin. Ok. Tant papa pour fille, des familles, on connaît, il y a pour la matanga, et puis on décide, il faut tokende na Lubumbashi. Oui, tokende comme ça matanga kuna. Tant tokoma kuna, ba décide balobi to fanda kuna. Et donc maman est à linga kité parce qu'il y avait encore des problèmes à régler, il y a succession notamment. OK. Et donc à s'organiser ka à zongi na balek na nganga ende na zaik mo mukolo na lek na nga landi. Atika biso na Lubumbashi. Wa zongi na Lubumbashi na ajini ni. Na place na 12 ans. Na 12 ans. Oui. Ah, papa Koufi, vous avez 11 ans. Oui, oui. Aux Zongi de Mbashi pour les laïe, Matanga. Oui, oui. Et puis, famille, il y a papa va décider tout le temps là, mais maman, Linga Kate. Donc, à s'organiser, il y a Zongi, parce qu'il y avait un problème à succession qu'il fallait régler. Et à mon âge, que ce soit à Tikalikuna, à Kobung, Sablo, Komingi, parce que ça qui n'a pas besoin quand même pour na pour mon année ni la coco sungabiso na ma classe na voilà comment il va na boni na famille tous ceux là qui sept hier nanga oya liboso ye azaka na poto donc après donc ayaka mais il pas qui azaina monté même s'il était un peu plus 18 ans, comme il est déjà dans la majorité, mais avec moi, je suis donc, il y a Tikala qui a. Et donc, je crois aussi pour Nayango, maman Linga qui était que. Atikala kuna ya atikala ah parce que Azalaki aibe ka koki ko affronter tous les problèmes liés à la succession té ngana azonga ka ngai na lik na ngai totikal kuna 2-3 ans puis le temps tant à se réorganiser ah ni ayaka ko sabiso to zongi ah donc bobotami 7 yoza 40e to botami 7 na libota ya maman parce que papa Azalaka na moi déjà na bana OK. Donc, disons, tous allés, na deux petites sœurs. Au tobotem na maman Limoko et puis na abotem na maman Mususu et puis na deux petits frères. Donc, ça l'était aux années. Ok. Alors, on va dire au Tangina Fatima vos premières années. Maternelle, ça, oui. Maternelle et puis primaire na Sacré-Cœur. Lycée Tobongisa. Apparemment, Bazara a une vision. Boye, Bokiti, na Kasavubu. Yozotanga, na Fatima, na Gombe. Oui. Et puis Sacré-Cœur. Oui. Déjà. Oui, bon. À l'époque, je pense que Zalaki, parmi les écoles, Zalaki. Justement, on a tenu Bazaki déjà la vision voilà. De faire de vous. Voilà. Alors, donc, Kasavubu, Kinshasa, Limete. Après bozongi Lubumbashi matanga ya papa yo tikali nande kona moko mama zongi wana baleki na yo deux ou trois ans après ayo zwabino na Lubumbashi 12 ans na Lubumbashi oui. Wana en secondaire oui, na Lubumbashi na première année na saki première année secondaire deuxième et puis troisième littéraire au côté na littéraire de mama yo zwa zongi na lisasa. Et ici, vous avez continué où? On a continué na katikati. Yamboula. Yamboula. Enfin, Mboula, ça a été avancé. Kota école Moko. Quoi, tous les années, à peu près? Dans les années 80. Oui, ok. Les années 80. Oui. Pour continuer. Alors, voilà. Les années 80, parce qu'on est resté. Non, 78. Ok. Puis, tout côté, à côté de Moko, au Totikalaki, quelques mois. Et puis, avec. Avec un cousin, il y a un sacré cœur, à des marchés qui, bandima qui, nazonga. On continue quand même, malgré que tu aies un boulot. Kuna na Lubumbashi, bana otanga na école. Na Kitumaine. Kitumaine. D'abord, secondaire, na sa qui na lycée Kiwele, et puis, troisième, littéraire. Na Kitumaine. Voilà, qui est également une école très réputée, na Lubumbashi Kuna. Alors. Ah, on est au Tangi Tchossisi qui est là, si. Oui. Aussi diplôme d'État. Oui, Sacré-Cœur. Oui, diplôme d'État. Je suis qui a glissé mon thème à Pico, parce qu'après, je suis allé littéraire, et puis, na lycée Bosangani, na Kei Bolingani, et puis, Pourquoi vous avez changé littéraire? Non, on a baigné littéraire. Bon, et ça, une période mon cours, très, très difficile. En tout cas déstabilisante pour Nabiso après le décès de papa, après parti à Lubumbashi, et donc on découvrait les réalités de la vie, donc c'était assez perturbante. Et donc tant on a côté troisième littéraire et ça qui est un peu difficile, un peu en retard, et ça est difficile, et donc le résultat la fin de l'année et ça là pas très fameux à l'époque, quand on avait pas 55%, on estimait que c'était pas bon, et donc à la direction, l'orientation, bah ouais, non, il faut qu'on ait ça là section sous littéraire. Il y a un peu de boyaki. Littéraire parce que c'est destiné à qui journalise. Oui, il y a un peu de boyaki. Il faut que tu aies section littéraire. Donc, tant que déjà avez la troisième, vous avez un peu de journalisme. Voilà. L'idée est que vous avez un peu de c'est parti de quoi? Non, je ne sais pas, peut-être des lectures, peut-être que nous avons la télévision, et puis en grandissant, au travers de mes lectures, j'ai découvert un peu plus qu'est-ce que c'était que le journalisme, et donc ça m'a accroché, j'ai dit moi, quand je serai grand, journaliste, journaliste, et donc il faut faire littéraire. Okay. Alors, tant que si on a une option sous son quitté, donc je suis quitté et je suis allé m'inscrire au lycée à Bolingani, à Kintambo. Oui. Voilà, comment on va à la commune? Voilà, on était à Bandal, je crois. On a que tu fasses la peine à Bandal. Parce que tant que son gars, quand maman son gars, Kinshasa, et puis après, quand elle s'est réorganisée, Tokendaka dans Bandal. Et donc, on a côté à Bolingani, on a fait une année, et puis, on a qu'à vous s'inscrire dans lycée mathématique. On a aussi lycée aux diplômes. Ma camarade, il y a Tangwana, il y a Tangwana, il y a Liboso, il y a Lubumbashi, il y a. Donc, tout le monde, quand on a primaire, tu as décroché diplôme d'état, ma camarade, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu. Combo et Bani, non, je ne vois pas. Il y en a qui sont des magistrats. Donc, célébrités, mais ils sont installés un peu partout. Oui, un peu partout. Il y en a qui sont allés à l'étranger et qui ont évolué là-bas. Donc, Bani, c'est-à-dire célébrité. Des noms un peu connus, quoi. Non. Non. Ok. Non. Alors. Aussi l'ici, aussi diplôme d'État. Moi, tu as un boulot à l'île. Tu as l'île en 83. 83. Vous décidez aucun des facettes? Oui. Isti. Isti à l'époque. Oui. Ils allaient dans ma génération, comprenez. Oui, voilà. Ça a eu comme destiné au journalisme, ça m'intéressait. Na internat, tu as l'air dans Motemampiko. Je suis un camarade qui a Anne-Marie Sapondi. Mm-hmm. Et donc, il y a un Aéasa qui est journaliste. Mm-hmm. Et nous, on a Zako Tungse Nabinga. Il faut mettre en contact Nayo parce que Sakombi Nyongo Anne-Marie non Sakombi Bakonzo Sakombi Nyongo ministre voilà et donc voilà checking en contact Nayo et nakimba ko mon Nayo nabi qu'est-ce qu'il faut pour entrer à l'ICI parce que moi je voudrais faire le journalisme et tout et tout. Expliquez-moi, et puis comme Nazaï qui une grande fanatique, il y a Koudoura Kassongo qui était mon modèle. Mm-hmm. Parce que je me disais, quand je serai journaliste, je serai comme lui, je ferai comme lui. J'adorais sa façon de présenter les journaux, les émissions, et donc Nebsi a présenté Nga et pas Koudoura Kassongo pour Azala Neti. Mentor. Voilà, c'est un petit mentor. Voilà, c'est un petit mentor. Voilà, c'est un petit mentor. Ok. Voilà. Et donc, ma côté de Koudoura Kassongo, il était très sympathique. Il m'a expliqué comment ça se passait, le concours d'entrée à l'IFACI. Il m'a dit qu'il fallait, pour être un bon journaliste, il fallait avoir un grand background, etc. Il faut lire, il faut être curieux. Moi, je dis, bon, je suis, j'aime déjà la lecture, je lis beaucoup. Et donc, il faut être curieux. J'ai dit, oui, je suis curieuse. C'est peut-être pour ça que je vais chercher des histoires dans les livres. Et donc, tant on a eu diplôme d'État, Nakene, pour s'inscrire dans le concours d'entrée, parce qu'elle expliquait un gars que le concours d'entrée, bah, organiser un concours d'entrée pendant Kotana ici. Et donc, on a Kendaki, on a sali concours d'entrée. Et puis, bon, on a soit qui paye ma note, il y a Malam. Et donc, on a poti ici. Promotion à Bino Nesti, il y a Banani, il y a Banani. 11e promotion. 11e, il y a Banani. Bah, Lubunga Biaombe, bah, Mukoko, Léon. Qui est toujours à l'Est. Toujours à l'Est. Oui. Bah, Nani, qui dit mon PC, qui est décédé, qui était aussi à l'Est. Bon, Bibiche, c'était ma meilleure amie. Elle est allée s'installer, elle a terminé aussi à Motilampico. Elle est allée s'installer aux États-Unis. Il y a les Zonia, Bali, Achille Kele, etc. Bon, d'accord. Quelques noms que je peux citer, voilà. Vous étiez quel genre d'étudiante? Vous êtes qui, mon étudiante en Naïsti? Bon. De nature, je suis calme. Hein. De nature, je suis une personne calme, plutôt réservée. Non. Ok. Et donc, je pense que la première année, c'était une formidable expérience pour moi, parce que je me voyais déjà arriver au métier, surtout quand on a fait les stages, parce qu'à l'époque, on faisait les stages chaque année. Chaque année, donc et première, donc moi, deuxième, oui, tina soupa. Voilà. Et donc moi, j'étais allé naturellement à l'RTNC. Voilà. Enfin, pour faire, voilà, pour faire je faisais mon stage là-bas. Okay. Et puis, en deuxième année, il y a eu un concours qui avait été organisé à l'OZRT pour recruter le téléspeakerine. Et donc, j'ai saisi cette opportunité. J'ai participé au concours. Là, nous sommes en 85. En 86. Et donc, j'ai participé à ce concours et on était nombreux. Hein. On a retenu juste 4. On avait besoin juste de 4. Parce qu'à l'époque, à l'OZRT, c'était comme ça. On organisait des concours pour recruter et les journalistes et tous les personnels du concours. Oui. Expliquez-moi un téléspeakerine à l'époque. Voilà, téléspeakerine, c'est une annonceuse de programmes qui vend les programmes pour les rendre attractifs de manière à retenir les téléspectateurs pour regarder. Une sorte d'animatrice, voilà. Okay. Et donc, on est là pour vendre le programme. On est comme une sorte de vitrine. D'accord. Où on expose le programme pour dire, voilà, vous allez regarder à telle heure, il y aura tel programme, ça consiste à ça, etc. Et donc, prenez rendez-vous. Parce que l'émission, tout ça, là, on a pour un bateau, un métier, mais pour un bateau, donc, déjà, la deuxième année à graduat, retenir, yo, comme téléspectrine na OZRT. Voilà. Étudiante, mais déjà au quotidien où ça là. Voilà. Et donc, il y avait une formation après le concours, une formation de hospicage qui a duré 6 mois. Ah voilà, oui, donnée par des enseignants des lycées d'ailleurs. Okay. Certains étaient des lycées que je connaissais, et puis par des professionnels pour la pratique. Et donc après, j'ai expliqué quand j'ai été retenu que j'étais étudiant. Vous étiez retenu à 4, Il y avait Issamene. Ok. Serafine Issamene. Il y avait son prénom. Ilunga. Son prénom. Et puis il y avait Ilunga Kalonga. Marielle. Ilunga, qui est décédée. Non, elle est là. Et puis il y avait Marianne Mbaya. Ok. Bino, voilà bata génération, bata promotion. Et puis il y a téléspectage. Il y a téléspectage, voilà. Oui. Donc. Bon, il n'y a que Issamene et moi qui étions de l'IFASIC, hein, oui. De l'ISTI. Oui. Parce que Issamene, c'était une année, elle avait arrêté un peu et puis elle est revenue aux études. Elle a profité de cette formation. Et les deux autres venaient d'ailleurs. Ok. Et donc, on a suivi la formation. Six mois de formation, théorie, puis pratique, etc. Vous avez combiné Ndengenini, qui est là, si, na. C'était très difficile, mais j'avais expliqué que j'étais étudiante. Et donc, pour la formation, il y a des cours que j'ai séchés. Ok. Oh. Voilà. Et c'est seulement après, quand on a été lancé à l'antenne, on devrait être lancé à l'antenne, que j'ai expliqué à la direction. Preuve à l'appui que j'étais étudiante à l'ESSI et donc j'ai demandé qu'on puisse me programmer aux antennes soir. D'accord. Pour pouvoir justement combiner. C'était pas évident parce qu'à l'ESSI, les cours commençaient à 8h et c'est terminé à 17h. Voilà, et donc il fallait après les cours, je devrais courir pour être à l'antenne soir qui commençait à 18h. C'est ça. Et on terminait à minuit 30, et donc j'arrivais à la maison peut-être 1h du matin, et donc le lendemain il fallait être très tôt encore pour aller au cours. C'était difficile, mais c'était un challenge pour moi, comme je tenais absolument à terminer mes études pour pouvoir devenir journaliste, et donc je voulais pas prendre des raccourcis, parce qu'il y en a qui profitaient des stages comme ça, et donc qui s'installaient dans la profession sans avoir terminé. Décoché, ouais. Et puis après, il fallait revenir encore pour reprendre le cursus. C'était très difficile quand on a arrêté pendant un moment de reprendre. Et donc moi, j'ai dit, je fais ce sacrifice, je voudrais arriver, décrocher mon diplôme. Et donc, ça sera difficile, ça sera dur, mais je vais y arriver. Et donc, voilà, 20 ans. Voilà, ma 20 ans. Oui, dans la vingtaine. Oui. Ok. Donc, Nalobi Bongo pour nous avoir le sens et le sacrifice. Il y a moi, je suis Bongo, au côté de l'université Sika. Nous avons la deuxième année, aux Umosala, formation. Siko, à 8h, nous avons la FASIC, 17h, au Longwekuna, au Kena Télé Zahir, au Sali Moussala, minuit, au Longwe minuit, au Zongindaku, au Kego Pema. Sachant que le lendemain à 8h, il faut Zala. À 8h. Voilà, classe et Zahim, ils connaissent ça. À lycée. Oui, tous les jours. Oui. Ok, parce que. Tous les jours. Bon. Voilà, donc. Avec des professeurs, tu arrives à 8h, 1 minute, ils te renvoient. Ah, ça. Tu rentres pas au cours. Ok, alors. Donc, c'était le prix à payer pour vous, po osilisa kelasi na yo otangi osilisi nyoso osilisi cursus nyoso à université comment ça s'est passé donc de la deuxième année jusqu'à la fin de vos études universitaires vous avez combiné RTNC na IFACIT na ISTI oui j'ai combiné espicage même journalisme sportif voilà. Ah ouais? Oui, je. Mais peut ça bisou, peut ça mettre la mise au solo. Et hein? Donc bisou toi éviter comme ça la journaliste sportive. Avec avec Nzila Fana. Ah, Roland Modeste, voilà. Personnel. Voilà. Et donc il y avait une émission en prolongation de Jean-Pierre Yalé qui est mon collègue aujourd'hui qui avait créé cette émission. À l'époque Jean-Pierre Yalé était aussi à Non, il n'était pas à l'OZRT. Lui, il avait une agence de production et donc il produisait cette émission prolongation. Donc Ndi Lafana a proposé Kingai Tobandakoko animé en haut et donc on était sur le terrain de basket, de foot, de safari, course automobile, pour faire des reportages, etc. Ramon a découvert que maman Chantal Kanimbo Pazagi journaliste sportive. On a la salle journalisme sportif de 2006 à 2018. Okay. Donc Naebi Marabouzo le Bakosa a intérêt à basket, il y a football, il y a je sais ce que c'est, je sais que voilà. Bref. Donc, toutes les différentes compétitions, on couvrait, et puis, tu présentais en gros la émission prolongation. Et puis après, Zaki Sport Mania. Mm-hmm. Et donc, tant mais on a entre six, temps, la RTNC, au Banaro Saanini, en dehors, il y a programme, on a Yonandi Lafanan. Aux Aros Saanini. Oui, non, ça, c'est un spicage. Ah, spicage, Kata. Spicage. Parce que je ne voulais pas me lancer. Immédiatement. Okay. C'est vrai qu'il faut assister ça parce que sinon ça va être trop de choses à la fois. Ouais. Et donc on a décroché licence d'Angaï. On a un commis que la direction un programme. Donc ce qu'on a commis que la direction générale pour nous aider savoir et voilà on a six classes, on est maintenant licencié et donc la ligue vraiment a pratiqué totalement journalisme et donc affecté la direction des informations et donc affecté la direction des informations où j'ai fait mon stage malgré les quelques années d'expérience à la télévision. Donc il fallait commencer au bas de l'échelle, bâtonner les papiers, on a jargon, la biso, na téléscripteur à l'époque, téléscripteur et Zalaki, ok, au Tali, au moins de l'information, au Bongisi, au Tché, on a rédacteur en chef, sur quoi il y a le vie, bon, ça on va prendre, au Torozoa, au Torotraité, allez, bâtonner en Moscou, dépêche les lots, les dépêches qui tombent, les agences de presse, de partout, etc. Pour prendre ça, mettre ça en forme et tout. Et donc, je fais mon salana, mon salaire à courir ma dossier, ma PSI. Sujet, lui fait nous un dossier là-dessus, et puis il a accueilli, il s'est documenté, il a commis français dans l'air, il a aussi, à l'époque, directeur des informations, Zahi Mbaye Kabunda, paix à son âme, et donc j'étais toute fière. On a outil ici, on est censé, non on n'a pas pu, en fait, c'est. T'as l'air. Mais. Ça, c'est quoi ça? À bois qui est en Kuna. Ah bon? Donc, moi, j'étais sûre que j'avais fait un papier de tonnerre. Donc, il a jeté ça, je dis, ah, ok. Mais il décourageait qu'il a été. Et donc, tant à Saliba remarque, voilà, ça l'a bourré, tangi le souffle, n'a louqué, n'a pris, n'a papier, n'a jamais n'a pessé. Bon, tiens, on a mis ça, on a dit, ah, ok. Ça commence à venir et puis bon voilà donc c'est comme ça on a évolué qui toka tanawana avant to kota penza na carrière professionnelle là vous étiez quel genre de jeune fille vous êtes une jeune fille il y a nini entre ba moment où connaître na famille Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, Oyawa, Osilisi Classe, Okoti, Ifasik, enfin Isti, Ozo combiné classe Namusala. Vous étiez quel genre de jeune fille en dehors, il y a classe Namusala? Est-ce que ton. D'où la question que je vous pose, parce que normalement, on a 8h dans l'Isti, 17h, après que aux EDRT, j'avais trois ou quatre antennes par semaine. Par semaine à assurer, donc agenda dans les années qui plein. Donc, vie dans les années, classe aux EDRT. Aux EDRT, et puis voilà. Aux Aïe, la vie, Moussou Souté, la Baninga, la quartier, la vie des jeunes filles. Non, on trouvait quand même de. Bon, il faut dire que Ngaï Nazali Moko, je dirais, Balobani et Kazania. Donc, je me plais, oui. So, Nazananda, où je me plais, à être à la Migo, à être dans la cuisine, pour cuisiner. Inventer des recettes, essayer des recettes, etc. Où je suis dans la lecture. Quand je ne suis pas dans la lecture, je suis la télé. Et donc, moi, j'ai grandi comme ça. Il y a une cousine, il y a une cousine, une fois, quand j'étais à Lubumbashi, avec chez qui je vivais, ma cousine, la fille de ma tante, la sœur de mon père, quand on était rentré. Alors, comment quoi, Ebisinga, à Zaobeta, le soleil à moi, Nanaï, sa fille, elle dit, mais attends, mais elle est comme toi. Hein? Elle passe son temps dans sa chambre à lire, etc. Et donc, moi, j'étais comme ça. De temps en temps, oui, j'avais des amis, on se rencontrait, on rigolait, on papotait, on bavardait, mais j'aimais bien rester tranquille chez moi. Okay. Et je suis comme ça jusqu'aujourd'hui. Okay. J'ai des amis, on se rencontre de temps en temps, mais quand je suis chez moi, pour ressortir... C'est difficile. Il faut Caterpillar. Maman Chantal Kanimbo, invitée à Parcours Lelo, invitée Nabisso à Liboso et à Maman d'ailleurs, Bandato Bandi, jeune émission Nabisso. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui ont également marqué leur temps et leur secteur. Maman Chantal Kanimbo, 25 ans de télévision avec beaucoup de jeunes filles qui, voilà, au Bassala Moussala, grâce Naye. Et à la source d'inspiration, la Bango Yamoto Yambié. Et donc, classe Sili, aux yeux diplôme non à licence, au Koti, totalement, na Moussala, na OZDR. Au Bandi, na Mboulani, 87. Oui, le SICAGE, 87. Oui. Mais au Koti, na direction, il faut pleinement na Nini. Donc, disons 91, 90, 91. Bien à côté de la direction et à info. À l'époque, nous sommes là journalistes, mais à Randegui. Mais l'époque, on a plus. Il y a parti État. L'époque à parti État, médias presque carabino moko, bah, médias privés exacté. Voilà. Non, mais. Justement, on a un avantage d'avoir vécu une période où il y a parti État et puis il y a transition, il y a, parce que 90, les ouvertures... Démocratie et bandit, ouais, voilà. Oui. Mais même dans la période à parti État, on a un stage dans la conférence des rédactions, c'était quelque chose de sacré. Contrairement à ce qu'on pense, tous les sujets... C'est discuté dans la conférence des rédactions. Les agités qui sont tournées de. C'est discuté. Non, bien sûr, il y a. En faveur du régime. Oui, bien sûr, il y a des sujets liés à l'institution, président, voilà, les Araki traités à un autre niveau. Tout se discutait en conseil des rédactions. Discuté au niveau de la conférence des rédactions qui s'est tenue chaque matin à 10h. Je t'assure que c'était du sérieux. Nous, les stagiaires, là, on était un peu intimidés, mais c'était vraiment des vrais débats sur les orientations à donner, la manière de traiter les sujets, lesquels angles on va prendre, etc. Donc, les orientations n'étaient pas définies parce que parti État, on ne sait pas arrêter le régime. Non, mais quand il y a un sujet, même même quand un ministre a eu d'activité. Il faut toujours discuter de comment on va l'aborder. Discuter de ça, l'angle qu'on va prendre, okay. comment on va traiter, etc. Et c'est la rédaction qui décidait de tout cela. Ok. Hein? Et donc, vous entrez de plein pied au quotidien Direction Info, JT Nayo Ali Bosso, journal télévisé Nayo Ali Bosso. Avant, non, JT Ali Bosso, justement, la transition, il y a 90. Parce que tu vous dis parti état. Donc, avant, ça, il faut relater un signe. Il y a un père. Il y a un père. Et donc, 90, discours à 24 avril, donc c'est fini. D'ailleurs, le DG à l'époque, Mtongo, il a demandé à ce qu'on enlève le. Extrait, il y a discours, il y a Mobutu, parce que la JT, les Arabes toujours extrait, il y a discours à prononcer qui, ça va rester jusqu'au prochain qu'il va prononcer. Et donc, on prenait un extrait qu'on estimait relevant. Et donc là, l'extrait, c'était Tolingi, Zahir, Liboke, Monkoli, Sanga, Monko, Tatabo, Mamabo, Ekolo. Et logiquement, après le discours du 24 avril, le PDG il a cru bien faire de demander qu'on enlève cet extrait-là. Parce que ça, c'était incohérent avec le discours du 24 avril. Et bon, je crois que ça lui a coûté son poste, parce qu'il était parti. Et les insignes, pour nous, on a jeté, c'est fini, parce que. Parti était exilé, mais bon, quand on a fait partir le PDG Dongo, ceux qui sont arrivés après, bon, ils veillaient à ce qu'on porte l'insigne. Et donc, quand tu faisais semblant de dire non, j'en ai pas, il sortait, hein, il te donnait. Voilà, ça c'était assez difficile. Okay. Et dans le contexte, Wanam. Bon, à la rédaction, ça chauffait avec les jeunes journalistes, les aînés qu'on a trouvés, les Dimanja, les Dikanga Kazadi, les Kibambi Shinto. Non, Kibambi, il était, non, lui, il était à la présidence. Lui, il était à la présidence et puis il était sous-directeur. Directeur. Et donc, il y a eu un mouvement au sein de la rédaction. On dit, ah non, on ne va pas continuer comme ça. Il y a eu un 24 avril quand même. Denis Tokoro continue comme ça, comme si de rien n'était. On est télévision publique. On doit être au service de tout le monde, pas d'un regroupement politique. Et donc, il y a eu un mouvement qu'on a appelé APARV, Association... professionnel, attends, je me souviens exactement. En tout cas, c'était pour un audiovisuel démocratique et responsable. Avec les initié par vous, journalistes. Oui, par les journalistes, les aînés, les Dikanga Kazadi, même Kassongo Mema. Il était, il avait sympathisé avec ce mouvement et ça lui avait aussi coûté son poste à l'époque. Et donc nous jeunes journalistes, on était au réunion boy, à l'endroit habituel. On ne disait pas les noms. Vous avez truc, il faut tout ça, avoir contact avec l'extérieur, tout ça, journaliste, journaliste extérieur, on va aller rencontrer la journaliste belge ici, Colette Brachmann et tout ça, on s'est passé le mot et puis on allait, donc nous jeunes journalistes, on était là, autant, parti politique, taux classe politique, ils ont se réorganisé. Suite à libéralisation espace public, autant pe bino na presse bolingi bo révolutionner un peu makambo po bolembi ligne éditoriale imposée kaka MPR tatabo etc. Donc bino moro pe bo bandi moi révolution à niveau na bino. Oui, mais révolution c'est là qui étouffé dans l'offre parce que ninge ma contact est à qui extérieur donc moi mouvement on a et banaki na libanda na ba contact to zoaki alors on a la direction pensée sur bah écarté bango hein et au ça la maquiller les mingi et donc on a trouvé astuce et donc bah affecté bango na bah direction sous qui n'ont rien à voir avec avec les infos avec les informations et c'est comme ça que mouvement ezala qui étouffé et puis bon bah au batikali bazo banga banga bon alors ce mouvement là comme j'ai la graine était semée à moi et donc je disais il y a des choses que je voulais pas faire donc j'ai dit ok l'actualité nationale moi c'est pas mon affaire je ne ferai que l'actualité internationale parce que là j'ai la marge de manœuvre voilà le bandit ou maman JT non si on a assez la bandit JT tant la bandit JT n'a pas été dans nos salaires page internationale. Donc JT au Banda ils ont été présentés journal à 20h au Banda aux animés rubrique internationale. Non, nous avons intervenu on a quatre journal le premier journal où on a intervenu ils ont été avec Ibam Bistinto qui était mon mentor finalement et donc dans les journal la salle du journal et puis Talinga lui et mototo on a ça on a une petite amie moyenne donc moi na olingo le rangai mungai mongo pedo j'ai trouvé c'était un encouragement un compliment et donc ça m'avait vraiment encouragé à aller de l'avant d'accord et donc au comica quoi animer rubrique internationale la journal télévisée malembe et puis après malembe et puis finalement ma responsabilisa kingai na comme un titulaire pour nous présenter journal JT na wa li bosso c'était parce que wana sans oui anga moko ouais yo moko pinda 20h na yo li bosso oui 20h na nga li bosso bon c'était peut-être en 91 hein 92 je sais pas puis le JT qui m'a le plus marqué na yambaka un acteur politique monco ndeko ya mbusa namusi ah ya na oui oui oui et donc ça era makambo ba ya nini débat opposition na pouvoir qui est opposition qui n'est pas donc comme on accusait na opposition za ki bazo accusé ba msusu bazay ki ba bah ça ben avant banane coach hein ceux qui venaient bah vraiment bah opposants quoi les groupes de Kengo etc qu'on considérait bazaï vraiment bah opposants et donc yé albi non il faut débat et ça parce que ça qui bazaki kolinga ko il fallait ko désigner premier ministre conformément à acte constitutionnel ndenge sai koloba premier ministre aroya na ba parti oyo ezali autre que ya majorité Enoch donc et donc il y a opposition et donc pour naye il fallait que ça la débat au niveau ya opposition pour au moins nani bakoki ko désigner et il est passé au JT et donc batinda qui est oui batindi ba benga ba lobi ko yamba na JT OK mais à l'époque ba opposant déjà ba comment ko le kana au ZRT non mais justement yé ba benga qui ba lobi ko yamba oui OK et donc ayé pona lo ba non il faut débat et ça là au sein de l'opposition pona ko désigner premier ministre ya zaina elle ba Kengo ton à elle dure à opposition c'était difficile la situation c'est vrai que Kengo parce que quelques temps après c'est Kengo qu'on avait désigné d'accord c'est donc l'interview bon je pensais qu'il venait se promener là raconter ce qu'il voulait raconter mais bon, c'était pas ça à Koutani Nangai et puis à Sibimi Assisi mais na vitre ya régie na monia za na régie a télémiwa mais il a fait ce qu'il devrait faire qu'est-ce qu'il attend alors tant on a Babimi a pesinga imbota lobi OK musika tu as de l'avenir dans le métier c'était pas facile avec toi bien OK mais je n'ai fait que mon travail, j'ai posé des questions, moi je voulais bien comprendre le débat là que vous demandez, tout et tout, etc. Et puis le lendemain, il y avait des bons commentaires dans les journaux, comment j'ai coincé... Monsieur Débat, etc. Et donc, bon, voilà. C'est peut-être ça aussi qui m'avait lancé. Pour faire la descente de cloche plus tard. Oui, parce que quelques temps après, comme il y avait le débat, quand Kengo a commis premier ministre, et comme la conférence nationale souveraine, débat Isalaï pour libéraliser audiovisuel public. Et donc, ministre à l'époque, Philippe Masegabio, Narukika, PDG à Benyangaï, à Lobi. Il faut aller voir le ministre. Et puis, Nabotenaï, elle dit non, voilà, le premier ministre à Dingui, vraiment, que télévision et mon Anisake, et ça, Yambaba Kinyoso, tous les courants des pensées politiques. Donc, il faut réfléchir à un programme comme pourquoi il pour ça. Pourquoi va bien Guindé? Je sais pas, peut-être. Parce que vous avez un journaliste, c'est simple. Vous avez un matin en gradité. Non, la matin en gradité, parce que les interviews, peut-être, les gens au Salamo, peut-être que c'est pour ça. Ou alors, comme déjà star et la présentation, JT, toi, ou tu n'es au Banda, au Zomat. Oui, non, au Zomat. Ok. Voilà. Et star, je n'aime pas trop. À tout bruit, en gros. Oui, oui. Voilà. Et donc, on a sali synopsis, émission, tout et tout. N'a qui est pas PDG, non, il faut monter. Il y a mon reconcevoir émission. Oui. Il faut. Anecdote, justement, comme on était des grands amis, on s'est retrouvés régulièrement. Et donc, Nazaro expliquait, tu sais, je voudrais vraiment un débat contradictoire, mais je n'arrive pas à trouver le nom qu'il faut donner à l'émission. Je voudrais vraiment que ce soit un truc qui exprime, qui montre qu'il y a deux sons de cloche qui sont en train de s'exprimer là. Et puis, il me regarde, il me dit, mais voilà, toi-même, tu viens de le dire, tu as trouvé deux sons de cloche, c'est bien, et puis ça sonne bien, et puis, les solos na yo nandi la fanan les motemis à titre émission 200 de cloche et donc na qui est pas PDG à Levinon, il faut matin avec sa ministre na qui n'a pas ses ministres, puis après PDG à Lobby, voilà, il faut commencer à bien. Non, je vais pas commencer comme ça. C'est quand même une nouvelle émission, il faut un décor approprié. Moi, je voudrais un décor qui exprime justement le contenu de l'émission. Et donc, moi, je ne vais pas commencer comme ça. Et donc, il est qu'à 3 semaines. Avant Iban. Avant Iban. Pression. Non, il faut pas au Iban, etc. Ok. Donc, la bande émission, pas avec le décor que je voulais, pas avec la table que je voulais. Et donc, la bande émission. Et puis. Enregistré, parce que non, mais si vous voulez faire confiance, inspirer confiance aux autres courants d'expression politique, il faut que ça se passe en direct, parce que enregistrement là, ils vont dire que non, ciseaux d'or, non, comme on faisait d'ailleurs, même quand on couvrait des activités de l'opposition, quand ça revenait, le montage qu'on faisait s'enlevait tout le sens même du sujet. Et donc, la première émission, malheureusement pour Nara, et celle-là qui est enregistrée, mais c'était pas invité, nous. Oui, c'était Kanga Bongo avec un professeur Chibang. Puis les sujets n'étaient pas très chauds. Bref, j'ai dit, c'est un début. Ok. Pour rappeler Nabandeko Balandi, pour la jeune génération, que l'élo, c'est facile, il y a au monde un plateau à télévision, deux tendances politiques réunies autour d'un présentateur, mais à l'époque c'était exceptionnel. Parce que télévision, Télé Zahir, et puis Télé Zahir, Zalaki dans la ligne éditoriale, acquise au parti État. Donc, pour créer une mission, il y a 200 de cloche, c'était une vraie révolution. Oui. Bah, tout le babongo, même oui, si, si bah, sujet Missou, c'est comme à qui, oui, oui. Que l'émission avait eu à l'époque, oui, oui. C'était un rendez-vous. C'était une vraie révolution. Rater, moi, j'étais enfant, j'ai regardé cette voilà. émission avec mon père. Ouais. C'était une vraie révolution. Et c'était une satisfaction de la part des téléspectateurs. Il y a eu enfin un vrai débat politique entre, d'une part, Moutoua MPR, de l'autre, Moutoua IDPS, etc. Donc, tout ma parti politique, Missou, en présence. Au Bandi émission, enregistré. Oui, enregistré. Vous savez combien de numéros enregistrés? Et puis après, deux. Deux. Et puis après, Navi, bon. Olembi, là. Moi, enregistré, si c'est comme ça, je laisse tomber, je ne fais plus. Hein, parce que ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas ce que je voulais. Puis quand on appelle les opposants, ils disent non, venez enregistrer, ils refusent. Ben, on va aller en direct. Il faut que ce soit en direct. Parce que si ce n'est pas en direct. Pour éviter les ciseaux d'or. Voilà. Et donc finalement, Bandimaki, on a l'émission en direct. En direct. Avec toutes les conséquences possibles. Oui. Je crois, Isaïe, peut-être troisième ou quatrième émission. Invité Zaka Mende Nango Indouba. Mende, voilà. C'est l'émission, oui. Azaïki, Union sacrée. Azaïki, il y a Union sacrée. Il y a opposition. Oui, il y a opposition. Il y avait un terme qu'on utilisait là, pour traiter ceux qu'on pensait qu'ils n'étaient pas vraiment des vrais opposants. Opposants quoi, parce que le débat à l'époque tournait autour de ça. Et donc, Ngoï Ndouba, bon. Il y a Zagui dans la catégorie. Oui. Mende, Akumaki, m'a installé dans la rédaction, parce que je les recevais toujours. Avant 20h, on a vu comme ça, on va regarder le journal ensemble, on s'acclimate aussi un peu. Et donc, Lambert Mende, on a installé la rédaction. Et puis, votre co-débatteur est déjà à la rédaction, on peut le rejoindre à bout. D'abord, tant on a commis. Qu'est-ce qui se passe? Abino, j'ai les rhumatismes là, ça me fait mal. J'ai rigolé un peu, j'ai dit bon, on a pourquoi recommander au maman père sur le rhumatisme, de façon indigène, on a pourquoi recommander par Moutatretakaye parce que bon, ça l'aide énormément. Et donc, Nengaboui, qui est dans la rédaction, on a mis mieux, tout qui est directement dans le studio, dans le fanciste. Aboui peut au Koutana la Mende. Aboui peut au Koutana la Mende. Donc, au Koutana, on a mis dans le studio. Et donc, on va prévenir, tout va dire mission, tout. Mais, pourquoi vous ne m'appelez pas professeur Ngoï Ndouba? Oui, vous êtes professeur, votre chef, c'est vrai. Mais ici, vous êtes quand même M. Ngoï Ndouba, donc je ne vois pas où il y a le problème. Donc, comme ça, ça roule, le caca a créé un incident. Oui, mais quand on préparait l'émission, on m'avait dit qu'on va commenter l'actualité. On m'a dit oui, mais quand vous êtes arrivé, je vous ai expliqué qu'on avait des problèmes techniques. Et donc, on ne peut pas commenter l'actualité parce qu'il fallait lancer des vétérans. Et donc, puis on a continué. Puis. La pression montée. Et puis à un moment, je voulais taper du poing sur la table. Mende, ben Moutama Azara déjà bon au cala. Mende, Azara déjà Moutama Loba bon. Donc, à Betty Pencil, bon. Nathalie, bon, on a vu, mais c'est la main droite. Il avait refusé. Moi, il refait sa boîte à rhumatisme. C'est quoi, Betty Pencil? Oh non, c'était chaud. Donc, il nous faisait. Donc, sur le bicabo, Mende. Avec ses pics, répondre calmement. Azari déjà n'a Et donc, plus. Alors, à un moment, on a dit bon, monsieur Ngoï Ndouba, si vous ne vous calmez pas, je vais arrêter l'émission. Mais pourquoi vous posez? Oui, c'est moi le boss ici maintenant. Et donc, je pose des questions, alors. Et vous répondez, si vous ne voulez pas, on arrête l'émission tout de suite. Et donc, ça l'a calmé un peu. Et puis, Tokendaki émission est soumise. Maman Chantal Kanimbo. Et le lendemain, c'est un et le lendemain, je vois mes chefs, Kibambi, Ngwanzola Mangale, qui arrivent là, ils disent, dis, l'émission là, tu peux nous montrer comment on a enregistré là. Tu peux nous montrer un peu. Puis on est allé au montage, puis on a mis la bombe, mais malheureusement, Barata qui sont. Maman. Barata qui sont. Mais bon, ils m'ont dit. Bon, on pense. Mais que la direction, ils aillent bien. L'enregistrement du Barata qui sont. Images, ils aillent bien sont là, les Barata. Puis, bah, ils sont là, bon, ça sera l'émission phare. Parce mais que il me semble que d'appels que nous extrait avons émission on est sur YouTube hein. Oui, quelques-unes, mais on a son errata. Elle est grattée. Elle est grattée. On a déjà une émission, mon gros, et il y en a la merde. Oui, il y a beaucoup d'émissions. Oui. Bref. Donc, émission, on a été lancée. Oui. Et donc, le lendemain, c'est les commentaires partout, etc. Donc, même les chefs, ils ont dit, bon, ça sera la grande mission de la direction des infos, etc. Bon, alors, c'était parti. Question d'Anga Ezali. Neni Bozaï Ozoba m'a invité. Paul Obi a invité à Bengaye, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Pardon que je sache. Neni Bozaï Ozoba m'a contacté. C'était ma télé-sel à l'époque. Ah, ma télé-sel est comme déjà. Ok. Alors, assurance Ozaï Ozoba dégagée dès le départ déjà. Parce que, comme se le disent, vous êtes encore jeune journaliste. Oui. Bon. J'ai préparé mes émissions, j'ai préparé mes sujets, je me documentais. Oui. Et je lisais beaucoup les journaux pour trouver les sujets qui faisaient polémique, justement pour pouvoir. Parce que vous avez la leçon pour la génération, elle est là. Pour pouvoir organiser le débat contradictoire. Et donc, quand j'avais trouvé les sujets, je me documentais. Au début, il y a un collègue de la radio, Claude Mouton, qui faisait point de vue et qui avait un carnet d'adresses très, très fourni. Et donc, qui m'avait énormément aidé, justement, dans les contacts, etc. Et donc, une fois le sujet trouvé, vous en préparez la rédaction, la direction des infos, la personnalité qui devrait intervenir. Puis, dans l'opposition, on a dit ceci, dans la majorité, on a dit ceci, et puis on trouvait les personnalités représentant les deux courants de pensée. Pour venir débattre du sujet. Mais yo moko par rapport à la personnalité na yo, parce que au gros préparer émission d'ingénieurs, vous avez de l'expérience, mais une fois en face de certains acteurs politiques, au gros paniquer, surtout sur Rosanne expérience n'a recul nécessaire au perdre fil, surtout que na époque où on est là qui n'est moi libéralisation à parole, gérer les politiciens sur le plateau, ce n'était pas facile. Or, particularité à Chantal Kanimbo, dès le départ, il y a deux sons de cloche, Isaki, n'est-ce pas qu'on maîtrisait le plateau, n'est-ce pas qu'on a tel, mais là-bas, politicien, même Yaminen, qu'on l'a s'appelé qu'il y ait patron. Et puis, à ça, moi, à moi, si. Et puis, à ça, il n'a même pas 30 ans. Donc, comment on a eu ça? Je crois que ce qu'on a paniqué, émission, il y a Mendina Ango Indouba. Il n'y a que Skamabe. Le fait que na arrivé ici qu'on maîtrisait Ngo Indouba, qu'on maîtrisait Plateau Nangaï, c'est ça peut-être qui m'a donné l'assurance plus tard. Et donc et puis batunenge batala ba mona nenge mission ça là qui ba bon moi si on a sera na te sur meki etc. Et donc il y avait même un gentleman agreement avant de passer sur le plateau, je disais ici la charte de l'émission, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si vous ne respectez pas ça, autant ne pas faire l'émission. Et donc, je vous prie de respecter ça. On est là pour un débat, un débat d'idées, pas un débat de personnes. Comme aujourd'hui, je vois, c'est beaucoup plus, Débat de personnes, débat des personnes que débat d'idées, voilà. Alors, malheureusement. Ouais. Alors, c'est ça, les Kamukoni. Ezaka Koleka, mardi, c'était un rendez-vous tous les mardis à 21h. Ok. Émission d'une heure? Oui, une heure. Alors, 200 de cloche, j'ai eu succès à Osaka. Chantal Kanimbo a eu succès à Osaka. Ils ont agité, ils ont émission. Comment vous gérez le succès? Osama Sikitoko. Je ne vous apprends rien. Bah, ebi ça, on déjà eu quand on bat un emballé puis bat baso mon abisso. Bah, ebi maman Chantal. Moi, si qui toko. Moi, si ma yele. Et puis, azo présenté JT qui toko. Et puis, émission phare ya politique na minute wana. Ojira ki succès wana nerenini. Na époque wana ya bamo boutiste. Na époque wana. Par rapport à ma communion, sotokoye ko imagine, ba sollicitation et tout ce que l'on peut imaginer. Ojira ki succès nerenini. Bon, c'est un succès professionnel d'abord. Mais l'an dernier, il a vu. Oui, oui, et l'an dernier, il a vu. Surtout que ma télévision est agitée. Mais ça dépend. Si on a vu une réunion, mais là, si on a mélangé et la vie professionnelle et la vie privée, ça laisse des ouvertures qui peuvent faciliter un certain nombre de choses. Et donc, il fallait. Fermer toutes ces ouvertures-là, justement pour pouvoir. Vous avez ça en dernier, maman Chantal. Pesa biso secret na yo. Parce que na yebi que, ata au bombeli biso zagi sollicité, na yebi que ata au bombeli biso bazaro proposé au nami solo et nami bali et na nyoso. Mais. Ozaki. Non, je crois, na yo. Thierry, je crois, ça dépend aussi à l'éducation. Au Kolinango, ça dépend aussi à ma principe de vie, au Mutazanango, ça dépend aussi à personnalité, à Mutazanango. Dans la commune, au ZDRT, il n'y a pas que Batu Alibanda, même Batu Akadi. Bazaro Landanga. Encore ma journaliste. Il y a Misala. Petit toi, petit toi, ça dans la rédaction. Mengai naeki na musala. C'est vrai, on peut faire des rencontres dans le cadre professionnel et nouer une relation solide et durable. C'est vrai que ça peut arriver. Mais Mengai, en regardant bah oh bazaro sollicité ngai bon baza déjà na vie na bango moi je vais pas me distraire parce que sur na ndimi oh le long aza na vie na l'histoire ne va pas durer et au comme ngonga moko ka esuki et puis après voilà au bani le sous na msous voilà ma journaliste au bani le sous voilà limite que oui voilà professeur la non il y a pas bon ma politicien bon pareil parce que là niveau il y a misolo na pouvoir les années mon temps de ma journaliste non non c'est quoi non même les politiciens ça n'est rien mort bas ça n'a pas vu n'a pas mort. Et donc, ça peut être, moi je me disais, ça peut être fantasme. On a la télévision, on a fantasme. Oui. Et donc, bon, ça va être une aventure. Et puis après, donc, ça va aller loin, ça va aller loin, ça va aller loin, etc. Et ma vie, ça sera comment? Ma pression, on doit être. Moi, c'est pour ça que je suis pression. Non, mais pression. Bah, il y a un peu de temps. Non, bah, il y a un peu de anecdote. On a débuté en télé-screen. Entre deux annonces, Babenga, Balobi, non, il y a Moutmoko, Azalibanda, Azo, Aza besoin d'écouter un avis. Bon, c'est là, tant dans celle-là, annonce, il y a un programme où ça un peu plus long. Je vais sortir pendant mon arrivée, la guérite. Et puis, il y a Bimi, il y a Koutani, il y a Moutango, Aza qui va avancer, bon, il y a le biais, il y a la. Et puis, il y a Moni, il y a Pessingambo, et tout ça. Et puis, il y a le bon. N'a pas ça bon comme ça n'a invité to que Nelia et puis etc. Kaboy, boy banité. Ah tu choyé ngwa ko tu d'abord. Toyé banité. Ngabi monsieur, je suis désolé. Je suis bien éduqué. Vous voyez ma main là, elle était prête à partir pour vous donner une claque, mais je me suis maîtrisé. M'inviter, je peux comprendre. Mais pourquoi? Au lobby, on peut s'en aller. Un gars, il n'a pas besoin de s'en aller. Tout de suite, même si on a besoin d'un bon. Pourquoi au lobby, on peut s'en aller? Donc, au lingot, son bangaï. Puis je lui dis, monsieur, comme je vous ai dit, je suis bien éduqué. Je rentre faire mon travail, vous m'avez dérangé, et voilà. Et donc je pense que il faut savoir le ministre boya ben si on a mettre les, oui bon sololi ba compliment c'est comme ba compliment, tu es très bien habillé, zongi c'est na professionnel. Et ça bon, oui, parce que je suis une femme. Si c'était un homme, un journaliste homme, est-ce que vous l'auriez complimenté sur son accoutrement? Non. Et si je suis professionnel, je viens parler profession, raison, là. C'était pas sinon, facile. Voilà. Ce n'était pas facile. Non, c'était pas facile. Résister. C'était pas facile, mais bon, il fallait bien pouvoir gérer tout ça. Au final, pour pouvoir garder sa dignité et sa réputation. Parce que pour une femme, la réputation est bien nokia. Bino va me bal bourreau, ça la va gaffe n'est bolingi, mais bon, comme la société a toujours un regard moko exigeant et très sévère vis-à-vis à moi, si. Et donc, moi j'ai dit non, réputation va se marrer. Ce qui est bébé et bébé. Donc, il faut faire en sorte de préserver ma réputation de femme et ma réputation professionnelle. Alors, aux agibes de la vie privée, au côté d'un côté, pour tous un cadre professionnel, mais comment le privé impactait sur votre vie professionnelle, ou comment le privé percevait votre vie professionnelle? Pour ceux qui, là, le bas clairement, la ligne moi sur Ebani Ming, Azaki Toko, Azak très sollicité, Azal roi maman Chantal, Azalaki à l'époque, là, au Bangaï, là, Nigné. Carnet d'adresse, et puis que moi, sinon, à coup, t'en as un ministre, à coup, t'en as un politique et tout, et peut-être on bat la rose à bois. Comment ça se mariait? Oui, c'est vrai, mais il faut gérer ça et il faut construire la confiance, parce que je crois que dans toute relation de couple, la confiance est alliée à l'élément fondamental et important. Il faut. Bon, je l'ai mis en confiance. C'est vrai que parfois ça tiraille, parfois chercher à empêcher, etc. Mais bon, tout ça, il fallait savoir gérer pour pouvoir préserver la vie privée. C'était pas facile. Justement. C'était pas facile, mais. La lingui, par exemple, il y a harcèlement, il y a la pression que vous allez subir. Pour montrer à quel point, non seulement ce n'était pas facile, mais à quel point vous avez tenu tête à ça. Bon, d'abord, il faut savoir quelque chose. Hein. Les invitations personnelles, c'est quelque chose que j'ai refusé. Non. Parce que c'est une porte. C'est une porte qui peut permettre beaucoup de choses. Et donc, ezalaki soko rendez-vous ezali professionnel, c'est vrai, des fois bazali ko invité ngai na mandaku, il y a quelques invités qui m'invitaient na mandaku na kei. Bon, et là moi j'ai trouvé ça me faisait confiance. Plus rassurant. Ça me rassurait, oui, voilà. Ça me rassurait parce que Nandaku, certainement, famille, les alliés, etc. Et donc, ça ne posera pas de problème. Tout ça, je crois que c'est une question de la force de caractère. Parce que bien sûr, il faut que les gens aient un caractère et qu'ils ne soient pas tous les gens. Compliqué, que je suis difficile, que je suis comme ça. Moi, je dis oui, moi, je. Au retour là, aux autres, il y a un retour là. Oui, c'est pas grave. Je considère ça comme un compliment. Hein, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas n'importe qui. Et donc, j'ai fermé beaucoup de portes comme ça. Ah, tout le monde nous a réfléchi, mingi, pour nous savoir à moi, là, parce que voilà, c'est la télé aussi, hein, et ça reste. Bon, on comprend. Le plus important, Zali, que Toyoka Naï noté, oh, maman Chantal Kanimobo, et peut-être, par réseaux sociaux, à l'époque, elle a guité, mais quand on parle de vous, on voit une femme qui est plutôt comme ça. En 25 ans de carrière à télé, bientôt, tu reçois Eric Luko qui a été abissé, ce que l'opinion pense de vous justement parce que y a un grand nombre de retours. Nao Nyon Soano Sala qui regrette Nao Isaïe Nini Pé, principale satisfaction Nao Isaïe Nini. Soro Mitali Natal, Natal Olobi, je peux être fier de moi. Parce que, la Kassissima Yaba, Yaba Ngano, Yaba Nyamanyon, Soro Mbembe, Valienga été, Nako été, et regrette Nao Isaïe Nini. Peut-être, ah! Fana zonanga ya fana ndi malanga sollicitation fana sa abwe. Kote wana regret za te. Tata mokete. Batela ya enveloppe et vima la mesa te lobi ozute me obi. Ah! Bon. Tuna wili kalinga ya Elsa. Dala tuna ndeyo. Tuna wili kalinga ya makambo wa kupaja wa Elsa. Mais non, regret na yo principalement. Non, regret, la satisfaction na yo. Regret et exalité. Regret et exalité. Peut-être le regret. Mais je ne peux pas regretter parce que je m'assume. C'est une décision que j'ai prise quand j'ai décidé de me détacher pour aller au CESAC. Et donc, parfois, il m'arrive de regretter, de me dire bon, peut-être j'aurais dû rester encore un moment. Faire ce travail. Le journalisme actif. Ouais. Mais parfois, je me dis aussi, bon, peut-être c'était le bon moment pour moi de partir. Peut-être qu'il aurait pu y arriver des choses qui pourraient éventuellement entacher ce que j'ai construit. Mais regret, Zalité, vous estimez que les loyaux, Namboulo, comme il a une expérience, après 25 ans de télé, depuis 10-11 ans au Tika Télévision. Si c'était à refaire, je le referais. Karanaba, terme. Karanaba. Principale satisfaction, les amis. Justement, la réussite professionnelle, le fait que les lots, même Nanzila, ça fait quand même 10 ans que je ne plus fait des télés, mais bon, les gens, oh, maman Chantal, même avec mes amis, quand on voyage, etc., il faut toujours raconter à Chantal, parce que là, on va passer directement. C'est donc, César. Voilà. Et donc, là, j'ai rencontré récemment deux jeunes filles, une vingtaine d'années, dans un supermarché, qui m'ont salué avec beaucoup d'hésitation, puis j'ai répondu, et puis qui m'a dit, nous sommes des facile que je dis ah, ok, en quelle année, deuxième année, voilà, est-ce qu'on peut faire une photo? J'ai dit oui, bien sûr, on peut avoir votre numéro. J'ai donné le numéro et puis après elles m'ont écrit, on a commencé à échanger, mais ça m'avait fait chaud au cœur. Parce que deux ans, non, elles n'ont pas vécu ça, mais ça m'avait fait chaud au cœur. J'ai dit, ah, ok. Donc, j'ai marqué ma profession, j'ai laissé de marque, j'ai bien fait mon travail, j'ai été professionnelle. Et donc ça, c'est une très grande satisfaction pour moi. Et pour les nostalgiques, je me rappelle Tango, je crois, il fassait que Banego célébrait l'anniversaire, c'était il y a une année, deux ans. Tango Zongelagi, au présentant qui j'étais. Oui, 50 ans. 50 ans, il fassait. Tango Balobi, que maman Chantal Kanimbo a représenté JT à 20h Lelo. Je sais comment ce message a circulé sur les réseaux sociaux, naba groupe, naba WhatsApp, banini, et les gens étaient scotchés parce que surtout les nostalgiques et ça la guibango bien. Alors vous allez nous donner votre regard de la presse aujourd'hui. Je rappelle que Ozana c'est ça que les loyaux depuis plus de depuis 11 ans. Ozana Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication comme régulateur. Nami soit régulateur, Nami soit expérimenté, on a ça des 25 ans de télé, 25 ans à succès. Naba émission ndenge tolobi na parcours tolobi. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la presse aujourd'hui, ce que vous pensez des journalistes femmes aujourd'hui, mais ça sera juste après la rubrique Que pense l'opinion de notre invité avec Eric Luko. Alors, Bandeko Balandi, il y a parcours, Tokomina Ngonga, il y a que pense ou que dit la rue, l'otoyambi bongo mama Chantal Kanyimbo, ou panzi sango, sangwe kenda, aebana, azaï djako solola, awanande kotiri kambundi, awanganae, kotunae, moi mituna oyoyo, bato, balanda kaye, ba yebie, bakomitunaka. Motuna Liboso, c'est en rapport avec, je pense, c'est vu sur votre Facebook. Je vous dis déjà que je vous suis sur Facebook. Mituna ki, tant au balandi bongo, journal Oyo Salaki, le duo du siècle, on l'a appelé comme ça. Nandeko Kibambishi, toi, c'était votre retour plus ou moins, mais le contexte était les 50 ans. Il y a Isti, Ifasik, Lelo. Balobaki, à quand votre retour? Mais je n'ai pas vu de réponse. Retour à la télé. On vous a supplié en disant, ne serait-ce qu'une fois le mois. Non, je ne peux pas pour le moment, hein, parce que Nazaline en a cessat au lobby, et donc Nazaline a statué à détachement na RTNC pour na cessat, et donc mon colomanda est aussi la wanande na koki koyanola, voilà, parce que pour le moment Nazaline en a 3 ans, mandat est à 4 ans, renouvelable une fois, il va renouveler, et donc on a quelques années été calibre pour mettre sa dernière mandat dans Gaï. Tant on a aussi sa mandat, on a des Tokoki ou Solo. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible aux hommes. Oui, c'est possible. Et puis, au journal, on a tout ça là qui. C'était bien tant que mon yoka qui ma sensation en avis na regretta qui un peu bon, peut-être je suis parti trop tôt peut-être fallait un petit calaca mais bon j'assume décision na zoka pour na kende c'est ça na kende c'est ça bon na konti kozonga peut-être pas pour faire ce que je faisais peut-être pour faire autre chose. Ce mandat est signé. Pour le moment, nous avons un bien fait par rapport à la question. Ouais. Et puisqu'on on en parle, vous avez souligné le tract. Est-ce qu'après autant d'années, on peut encore ressentir le tract comme si on était à ses débuts? Non, mais le tract, ce n'est pas la question à débuter. Hein. Le tract, je crois, Ezali, souci de bien faire. Souci de penser qu'on va rater le démarrage. Parce que si on rate le démarrage, les aromables, si on réussit le démarrage, ok, si on rate, et on déstabilise le monde, et le reste, il y a un programme sur ça, là, où ça là, à l'aise. Et donc, il y a un attrait qui sera un début. Tango banda osobanga est-ce que na okoka est-ce que na okoka démarrage soro moni okoki bon ça va soro koki te on peut se rattraper oui on aura raté peignon so alors et donc c'est ça crains-toi c'est le souci de bien donc ça vous permet de rester concentré d'être dans votre bulle. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'être submergé dans votre parcours par le tract, c'est-à-dire tract est acquis tellement, on suppose, vers les débuts, si bien que bah, c'était vraiment un ratage complet. Ça vous est arrivé? Non, il y a des jours où ça a l'est, hein, même bien la rugby, comment là, et l'or mon coup est survenu, et ça dit que bon, on ratait néné. Démarrage. Hein, peut-être au buté sur un mot. Et déstabilisé, et puis bon, le reste du journal au Monaco, Yomoko, au Salipenza, bien t'es. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, il y a les bêtisiers qu'on regarde de télévision du monde entier, le direct, ça vous met dans un état, peut-être second parfois, on arrive à ne pas bien faire les choses, et donc ça peut arriver. Quoi. Donc, ça m'est déjà arrivé de mal démarrer, de buter sur un mot, et puis le reste, bon, tu vas faire 2-3 fois ou buter sur le mot, et puis après, bon, tu as quand même le temps de te réparer pour essayer de bien terminer. Mais l'impression est à début, ce que c'est baby, bon, à ta soeur, on a 4-4, tu continues, madame, le baby, ça n'y a pas. Et alors, Chantal Kanyimbo, c'est également une coupe. Cette coupe de cheveux légendaire, est-ce que Olbaraba, ça c'est ma manière dans le côté là, donc ça va être cet élément au Bako, on reconnaîtra Kanango, ou bien c'est venu comme ça, les gens ont apprécié un jour, bah, je garde ça. Cette coupe de cheveux afro que vous avez eue longtemps. Voilà, une petite histoire là-dessus. Non, bon, je n'ai pas commencé avec la coupe afro. Oui. Hein, la coupe afro a commencé après. C'est-à-dire que je garde une coiffure le plus longtemps possible. Mm-hmm. Et puis, après, j'ai décidé, tous les 10 ans, je change tous les 10 ans. De coiffure. Voilà. Là, je suis dans ma 9e année avec les tresses. Mm-hmm. J'ai dit, il ne reste plus qu'une année. Voilà, et donc, je ne sais pas si je vais encore changer. Mm-hmm. Mm. Alors, j'ai découvert que vous êtes catholique. Vous l'êtes toujours ? Catholique ? Toujours. Oui, catholique. Engagé. Engagé. Maman Église. Je suis Maman Moyangel. Oh, Maman Moyangel. Mm. Donc, il y a bah, CVB. Hein, CVB. Ah, parce que j'ai lu quelque part, là, ah, CVB. Chantal Kanimbo, jusqu'à ce point, Maman Moyangel, je découvre. Mmh. Alors, la place des dieux dans votre vie, surtout quand on a atteint le sommet, est-ce que Dieu a encore eu une place? Dieu a-t-il eu une place dans votre vie pendant ce moment-là où vous étiez au Dieu, top de top? Dieu, il est dans en ce moment ici, il est là. Mmh. Dans tout ce que nous faisons, il est là. Dans nos voyages, il est là. Mmh. Dans le matin, quand on se réveille, on s'étient sur ses deux pieds, mm-hmm. je dis, bon, c'est un miracle. Chaque jour, ils allaient miracle, surtout au Lamouki. Tant que là, la ratoye, la place, tout qui n'a été, tout est baranine et les karatés, tant que sous ce coco, l'autre, bon, sur au Lamouki, au coco, ses souvenirs, la ndoto l'autre, mais on ne sait pas, mais sur au Lalaki, au Lamouki, au Télémi, ils allaient miracle. Et donc, Dieu, moi, Dieu est au centre de ma vie, dans tout ce que j'ai fait. Il y a un chant que j'aime beaucoup, tu es là. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Mmh. Dans le ciel, dans nos orages, dans nos tempêtes, dans tout ce que nous faisons, dans nos succès, c'est Dieu qui guide nos pas. Mmh. Moi, je suis donc catholique, j'ai grandi, j'ai étudié chez dans les écoles catholiques, mmh. et donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis catholique, mmh. chrétienne, catholique, et Dieu, c'est tout. Le succès, c'est quoi? Mm-hmm. Le succès, c'est Dieu d'abord. Hein? Mm-hmm. Parce qu'il a donné les talents. Si Dieu ne m'avait pas donné les talents que j'ai pour pouvoir faire ce travail, donc, on ne va pas dire. Parce que le succès, c'est quoi le succès? Mm-hmm. Vous semblez. Face à Dieu, c'est quoi? Ouais. C'est rien. Uh-huh. Hein? Mm. Dieu est tellement immense. Il y a une expérience que j'ai vécue. J'ai eu la chance d'aller au Vatican. Mm-hmm. C'est que l'homme a construit pour Dieu. J'ai vu à Yamoussoukro, la cathédrale. La cathédrale construite par feu président. Oui, elle est immense. Mm. Et donc, quand je suis rentrée dedans, je me suis sentie... Toute petite. Toute petite. Toute petite. Je dis, qui suis-je? Regarde Dieu, là. Il est grand. Hein? Mm-hmm. Et donc, le succès pour moi... Est-ce que Maman Moyenge Lazan a témoigné de mon roi? Mon roi, moi, mon appelant, « Oh, Ezaka, l'obo, quoi, Nzambe. » Et l'homme sauté au cas Nzambe. Non, en tant que Mundim, nous faisons Nzambe. Et ça, là, malam. Et ça, là, comme il y a ma bé. Nous faisons Nzambe. Tout arrive parce que Dieu l'a permis. Mm-hmm. Hein? Mm. Et donc, ce que ça, malam, n'a c'est plus dit, Nzambe, merci. Ce que vous faites, ma bé, Nzambe. Merci. Parce que quand on prie notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Voilà. Alors, Mama Chante Kanimo, na tangi pekaka na Facebook na yo, li solo moko beti, li solo ya mortier. Ya mortier au héritage de maman. Et puis, na comme la conclusion, je crois que je vais avoir 10 sur 10 kolingara ce bâtir bilo a o lingolingarolia pour nous en premier lieu. C'est vrai? Oui. Alors, mettez sur le solo et à morti à maman. Non. C'est-à-dire que ndenge na ebisa hitiri tant au komaka nga na za bébé donc ça y papa ya nangai na maman et donc tant ba s'installer liboka liboso sombaka za liboka na ya wana o je crois qu'on va voir ça dans les images. Oui, ya liboka muke ya muke et donc tant ba maman kufaki bon ndenge salaka balwa il faut ba bloko ba famille ba zu etc ngaina o récupérer caro parce que tous années presque mbula moko donc tant maman comme nga na za bébé ba sombi libukana tout est là répondu elle bosso na Kinshasa et ça donc liboka ya autant d'années presque mbula moko na yo donc il y a encore na loba ngaina o récupérer caro yo na récupérer liboka et libukana na kitne moko et bonga na ye asomba e bonga na ye asomba na braza akenda ka za catholique ba kenda ka activité moko na asomba liboka et bonga na donc c'est des choses que j'ai gardé dans ma maison jusqu'à aujourd'hui en souvenir de ma mère. Au sein de la rang ou bien écoute la musique. Ah oui, tout en rang ngai sona nina na manga ngai na nga tout en rang. Et donc on suppose que Lamba yomo. Ah oui, na lingi ko Lamba mingi. Obotu na baninga na ngai na lingi ko Lamba mingi. Baninga na ngai balinga ko Lamba te. Je ne comprends pas nene bolinga ko ngai na lingi ko Lamba mingi. Quand je suis chez moi, j'ai du plaisir. Il y a Rolamba, la Meki Boé, bon, Sef Boé, la Sara Boé, mais Nicolo a découvert Bagrène à Baobab. Bagrène à Baobab? Bagrène à Baobab, au Salango, au Kaoussi, et puis au Torréfié, on est à Sala Café. Café, oui. Et puis au Moudrango, il y a un café Mouro qui toque. Il y a même tonifiant, énergisant, etc. Et donc quand je fais ça, on me dit, mais oh oui, toi tu as le temps. Je me dis, oui. J'ai du plaisir. Quand je suis casanière, quand je suis chez moi, j'aime bien m'occuper, ranger, cuisiner, j'adore. Enfin, je crois que c'est de la famille, hein, parce que maman aimait beaucoup cuisiner. Comme elle aimait beaucoup cuisiner, papa aussi cuisiner, ou le plus, les souvenirs que j'essaye d'avoir de mon père, même s'il est parti, j'étais encore toute jeune. On aimait bien le week-end parce qu'ils avaient mon collier à la maison. Voilà. Alors, vous l'accompagnez de quelque chose, vous buvez Vous buvez un peu d'alcool, c'est quoi, boisson sucrée Du vin, de temps en temps à table, du champagne à l'occasion, oui. Mais je préfère boire de l'eau. Alors, si tu veux la musique, c'est quoi? Ça sera quoi? Ça sera quelle chanson? Dans la zone d'amour, mais il y a confirmé. Chanson? Oui. Il y en a une. Bah, on va dire la musique du monde. Pas monde, genre profane. Hein. Je ne fais pas cette profane distinction. Oui. Mais oui, disons, d'un artiste connu de chez nous. Il y a une chanson préférée de. Et c'est Nairobi. Beyanga. Mais votre star préférée, c'était Maman Chalamwana. Aussi. Chalamwana et Mbili Abel. Je les aimais beaucoup. Je les aime beaucoup. Alors, les gens. Je les trouve authentiques. Authentiques. Je les trouve authentiques. Je trouve Chalamwana authentique. Quelqu'un de vrai. Hein, qui était sans fioriture. Et donc qui était vrai, quoi. Moi, j'aime des gens qui sont vrais, qui sont eux-mêmes, quoi. Plutôt que de jouer, de porter un masque, de jouer un rôle. Et Chalamwana, c'était quelqu'un de vrai que j'aimais beaucoup. Alors, avant le mot à la jeunesse, parce que c'est par là que je vais sortir, une question en rapport avec ce que j'ai encore lu. Vous parlez en remerciant ceux qui vous, en 2020, si je ne m'abuse, souhaitaient leur vœu de, comment dire, c'était à l'occasion de votre anniversaire, quelques deux petites phrases de vos enfants. Les enfants sont partis en ce moment de confinement acheter des gâteaux. Vous en avez des enfants? Vous en avez combien? Parce que je suis une femme, oui, que vous posez la question. Non, je pourrais poser cette question à n'importe qui, même à un homme. Un homme. Ouais, et c'est déjà arrivé. J'ai un enfant. Ah non. Un enfant. Adopté. Alors, c'est fini pour moi. En tout cas, je n'ai eu que très peu de temps. Un mot pour ce qui vous qualifie de phare. Vous avez eu à lire ça. Phare, légende, icône. Et les gens sont dithyrambiques à votre endroit. Et moi, j'ai découvert quelque chose que j'aimerais vous dire. Vous avez une très belle main. C'est de plus en plus rare dans notre métier que les gens puissent écrire ainsi. Alors, à la jeunesse, à ceux qui vous découvrent, à ceux qui ont entendu parler de vous et qui voudraient peut-être prendre le chemin que vous avez pris, le métier de journaliste, qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? On dit, eh ben, la jeunesse est en manque de repères. Vous regardez la caméra et vous parlez avec votre cœur. Moi, j'avais un rêve quand j'étais enfant. D'exercer un métier. Je crois que c'est ça la clé. Il faut d'abord avoir un rêve. Tant qu'on ne rêve pas, on ne peut pas avoir des ambitions. Et donc moi, toute gamine, je rêvais de ce métier. Je m'amusais à me fabriquer une caméra et à faire la présentation. Et donc j'ai rêvé de ça toute ma vie. Parce que j'ai rêvé de ça, j'ai exercé le métier avec passion, parce que j'aime ça. Et donc, pour pouvoir bien faire les choses, je pense qu'il faut, il faut aimer ce que l'on fait. On peut choisir un métier, parce que forcé par les circonstances, je ne pense pas qu'on pourrait l'exercer de la même manière que si on l'avait choisi. Et donc, c'est ça d'abord la clé. Il faut rêver. Et les modèles viennent avec le rêve. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci à Eric Louko qui est avec ses pics habituels dans sa rubrique « Que pense l'opinion ?» de notre invité dans Parcours aujourd'hui. Alors, Maman Chantal, tu as commis vraiment au souk sa émission, tu as appelé Mini, tu as découvert ma caméra belé, belé sur Parcours, on a eu, mais tu as découvert Nyon Sauté parce que. Misusu peut être mon bombi, mon orozaï kilo, surtout dans ma question, Misusu. Mais vu que moi, si, moi, et puis, nous avons été. Mais. Balobara Moussa la journaliste, mais comme il rabato, je me vois maté, un millionnaire, tout comme à la bambou et belle, surtout dans la bambou canabisoyo. Est-ce qu'après 25 ans de télé, les lots a depuis 10 ans dans ses sacs, avec du recul, au lobby, on a fier et à carrière, mais est-ce que au plan matériel, au plan à VIP, parce que tout ça, la rapport aux oies, pour tout bon, on a été satisfaite, on a gagné, on a eu. Non, c'est vrai, hein? Si on veut devenir milliardaire, il ne faut pas faire le journalisme. C'est vrai. Tant qu'on a Kotara, on a Rosé Derpi, salaire à Liboso, on a Zouaka, c'est vrai, on a déçu. Tout ça pour ça. C'est tout. Ok. Mais, Ezali Moussala na Lingi, donc Moussala Yango. Mais il faut que je m'organise pour pouvoir avoir un autre métier qui me permettra de pouvoir satisfaire d'autres. Donc, tout en étant journaliste, vous avez une extra morose, consultation, la consultance, etc. Et puis, au milieu, je suis aussi na kutara bango un moment na sara ça qui un peu en dehors il y a pays tant en Azongi na kuti bango baza ba monté agence moko ya communication SMCT et donc après madame to ya ba Jean Claude yale il a beaucoup de choses à dire moyenne na sara qui na onga pe na kote sec na bi bon comme ça, ça va permettre. Mais au bétélévision épisode où on a été au Bimara Libanda à Mboka Toyoka Keo, maman, comment l'américain, Moko, à Kenanae, à Tigine, Moussalo, Yazanini, au bétélévision à Moté. On est sa vie privée. Oui, mais ils ont exilé, la vie privée n'a aucun côté. Non, bien, ils ont exilé, ils ont choisi na yo lembi na yo Mboka. Non, non, ils ont exilé. Pour des raisons professionnelles, ça a été obligé à Okende, donc ça a été obligé à Okende. Au la bonne Libanda. Une année. Une année, quand même. Après, le pays était. Oui, bien. Dans mon salon, ok. Donc, ça va. Pour ma maman Chantal, ça va. Non, c'est-à-dire le minimum, quoi. Le minimum qui permet de préserver, de vivre dignement, voilà. De vivre dignement, de pouvoir satisfaire les besoins vitaux. Et ça a été que moi qui sais ça, ça ah Chantal Kani moi na tout bonheur t'as na TV hier on a terminé à rien à cause de la nini. Non à rien ça n'a aucun bon la n'engue à ma bête. Oui la n'engue à ma bête mais ça lui oui voilà. Il est de boy. Non mais et pas la mission de tout mon araneti et ça moi sonné côté les malaries qu'on les causait là. Comme à Tabus, bon, c'est vrai que Mokana les a vraiment organisé, le transport organisé, mais la Bambo comme sous, c'est mieux d'ailleurs au transport en commun que Motuka, parce que Motuka, il faut comme un place Moko, au garé, il faut au foot à parking, etc. Donc, c'est pas un problème. Tout ça, et ça dépend aussi le rapport qu'on a vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est un moyen qui permet de satisfaire des besoins fondamentaux. Si je peux m'organiser pour en gagner, pour me permettre de satisfaire ces besoins, je suis heureuse. Je ne voudrais pas devenir, je ne cherche pas à devenir millionnaire ou milliardaire. Ceux qui en ont, ils ne sont pas plus heureux que ceux qui ont moins d'argent. Hein. Kuni ni peno sa na msalo yo oyo pena ozongi ndako lobi ndete journalisme ermo pesara bien ça nous arrive à nous tous hein obimi pena bozongi obi ça va msala opena ça va non. So boy non tout na Willy Kalenga de ce point de vue là. C'est-à-dire que Soko, je ne voudrais pas parler de ça ici, c'est pas bien. Ceux qui ayez, enfin, de mon côté, c'est pas que je demande, exige de ça. Justement parce que Nazali moi c'est na moninga moko to kabona ka pona pona ya linga utiliser pour to le misa mutwana la ngai Nazali moi c'est soko na komo ke ngai kote wana ezali na ufungola nzela msusu ego eko botela ngai ba problème oyo na okoka ko maîtriser te et ko bebi se langa ye réputation. Et donc soko pona yo eza wana il vaut mieux toka bwana toti kala wa camarade etc. Soko eye na c'est pas que ngai na singi soko mtu na générosité na le bindenge émission to saka na katanga na banyaku en deux rangs, et Yaliboso Katanga, bon, elle avait pris un peu le dessus, il était tellement content, apprécié, bon, payer les transports à tout le monde, tout ça, c'est payé la carte, tout et tout. Dans le deuxième round, Bakani Saper, au Bimsensou, Nengwana, bon, Nengue, Bania Kwasaraki, Tchaki est dans les cordes, et donc il est monté dans la voiture, il est parti, il n'a rien laissé, donc, sauf que Ezan Nengwana, apprécié. Mais ouais, ça dit qu'un gars il n'a pas d'avocat, on a exigé ça là. Mais essayez là, je pense que Motomoko a cépé na musa na yo a sali au cadeau, a sali au don, a sali au pour. Essayez. Oui, Ezali et dans le strict respect de ma personne. Voilà, on a compris. Voilà. Na musa na yo bah fait marquant. Sur retracer 25 ans de carrière, bah fait marquant. Oh yomo peno tali ah te wana wana wana. Les années. Thierry. Mais selon nous, c'est tout bête. Yomo ne bah fait marquant. Ma boite, mais wana wana. Na professionnellement parlant. Ouais ouais. Au lobby émission la salle à Boyenet émission au lobby au sa direct il y a les bosso wana tout monique ça fait marquant. Mon coûte un abattu belé pe hein. Bah fait marquant. Au salle bah interview n'a pas personnalité politique même il y a les bandes à Mboka oui. Il y a Afrique pe à Mokiti. Oui voilà. C'est ça l'effet marquant. Ça peut être ça au Koloba que. Oui c'est ça l'effet marquant de la profession des Tokendaka. Côte d'Ivoire, les gars ils m'ont compris Côte d'Ivoire, tout ça les interviews, Kuna, Laurent Gbagbo, tout ça qui a été, tout ça qui a président assemblée nationale, tout ça qui a premier ministre Guillaume Soro, tout ça qui a Blégoudé, Charles Blégoudé, voilà, etc. Mais bon, voilà, ça c'est son mécanisme à taille européen dans le métier. Il y a la satisfaction d'avoir interviewé toutes ces personnalités-là. Et ça, c'est des faits qui marquent le parcours professionnel d'un journaliste. Au côté de ma personnalité, je n'ai pas de nom de mon équipe. Grâce à Moussana. Tu n'as pas de nom de Moussana. Ben oui. Le président de la République, par exemple. Mobutu. Premier ministre. Non, Mobutu n'a pas la naïe. Tu es Kokutana. Tu es bon, mon naïe, tu as un reportage, tu as un reportage. Oui, oui. Oui. Président de la République, Joseph Kabila. Mouzé Laurent. Désiré Kabila. Kabila. Voilà. Le président Tshisekedi de Peto Kutana et Praé. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit de vous à l'époque? Qu'il m'admirait professionnellement. Bah, on y en sait. Ok. Les regards ni nous en haut sur presse. Les regards ni nous en haut sur ma maman, le quoi, yo, bah, ça a appelé Moussala, bilingue, banana, yo, na Moussala, yo. Regard ni nous en haut. Aussi, au petit message pour la jeune, mais regard aux en haut particulièrement pour la bateau, bah, ça a Moussala. Je crois que. Toujours bon à moi, c'est là, hein? Dans mon salaire, toujours ça là. Et donc, comme ça, rien dans une admiration, mais la radio n'est du Top Congo. Hein? Parce que Radio Top Congo, de mon point de vue, a été à la professionnelle. Radio Okapi, level professionnel. Je crois que ça va exemple au. Il faut baninga au bazar msala babanda ko. J'ai l'impression que toujours s'écarter ming là, msala avec les journalistes toujours ça là. Et là comme sousou ezali journalisme était. Et malheureusement la monine fiso panzana. Mabé comme mingi. C'est aussi une interpellation pour les régulateurs. Oui, justement, c'est une interpellation pour les régulateurs, mais c'est une interpellation pour la société. Nous tous, pour toute la société congolaise. Parce que j'ai l'impression que la société ne se repose plus sur des valeurs fondamentales. Des valeurs morales, des valeurs d'éthique. Et sur le total, il y a un secteur qui a sauté. Sur le total, il y a un secteur qui a vie nationale. Et il y a toujours perdre boussole. Je crois qu'il faut tout ça à ma casse. Il y a toujours une boussole qui a mis ça là. Pour qu'il y ait des malades. D'accord. Sur le total, continuer à bouer. Eric Luko qui a tout na inga so na ozonga na moni so continue ka bona ozonga na mais maman Chantal uzaka o sei la ajte ozo pousa na nete ozonga sima c'est que les années et non autant ce que les amis. Ce que les amis. Pour les jeunes, il y a vie car il y a un mal au bac. Et l'autre, il y a un mal au bac. Très peu dans les jeunes, ils ne vont pas. Très peu. Mais n'avec moi, 20 de temps en temps. J'essaie d'être activité sportive. Sportive. Au Saramigny. Oui, même si mes colons ont été manqués. Bambouteillage, mon boulot, on n'a aucun cause à la sport. Donc j'essaie de manger sainement. Est-ce que c'est ça le secret? Je ne sais pas. Peut-être Dieu m'a fait grâce de bien me maintenir. Puisque vous avez inspiré tant de jeunes filles, bon, si on cite Bambassa, Moussala, l'obito, mon appel aux autres tangi sabana. Tout le monde appelle maman Chantal Kanimbo pour tout ce qu'elle a représenté dans ce métier, a formé Banam. Je crois que nous avons effacé pratique, théorie et pratique. Pratique. Nous avons effacé. Merci, maman Chantal Kanimbo. Tu veux qu'il m'y tu veux qu'il n'y a sauté parce que vous avez encore. Et puis voilà, on a retracé vos 25 ans de carrière. J'espère que Bandego Bazola Ndabiso Bayoki, Peba Sepeli, parcours pour nous, Chantal Kanimbo et Suki Awa, car ce parcours comme émission, ils ont continué parcours Nayango. Nous serons la semaine prochaine à la découverte d'autres personnalités dans l'obit de retoucher le secteur Nyoso. Politique, secteur y a médias, lelo, secteur culturel, secteur y a sport, bah secteur nions auto retouché pour la rejoindre bateau yo. À un moment donné, bah marqué histoire y a beaucoup cannabiso, na secteur na bango et puis bah servir de modèle. Merci à toute l'équipe technique, bah héros dans l'ombre, bah zo permettre mon salaire y a qualité. Oh déjà, bah zo quoi apprécier et les cas, na tanga y bango te na bah émission et l'équipe, mais la régie vidéo est tenue de main de maître par Pascal Kalambay. Dibintika est au montage. Merci à Dani Zayobi, à Patrick Ngongo et à Théophile Lusa Kweno. Bango bazai côté à vidéo et côté à radio. Yemoro Lelo, le grand chef Abimi, pour une émission exceptionnelle. Miguel Mena Mingedi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau numéro de parcours.